être comme Aïe, plus ou moins grec. Au bord de la falaise, des mensonges, je compte les baisers rouges pastèques, les baisers rouges qui le rongent. Histoire d'ego et de parano, de petits câlins et de gros mots, paroles d'amour, histoire de cul, me voilà cuite mais qui l'eût cru. Il ne reviendra pas, c'en est arrivé là. Malaise sur la falaise. Il ne reviendra pas, c'en est arrivé là. Une histoire, ça peut être bien, mais une histoire, ça a une fin, comme un repas d'anniversaire. Y'a un malaise après le dessert. Une histoire, ça peut être bien. Et une histoire, ça a une fin, comme un repas. Est-ce le vent qui m'emmène? On sait tout faire, tout dire, tout prier, les cris, les excuses, les serments. On sait tout faire, tout dire, tout prier, les cris, les excuses, les serments. Rien derrière, rien devant.